jamais loin de moi. Même quand je suis dans mes business, tu veux qu'on se voit, tu veux qu'on déstresse. J'aime bien ton parfum, j'aime bien la vitesse, les boulots bien faits, simple et efficace. Tu me dis que j'ai un cœur en pierre, mais tu veux quand même faire la paire. Tu réponds toujours quand je t'appelle, quand je te propose en tête à tête. On va se faire un boulot sérieux, on va bien bosser proprement. On va se faire un boulot sérieux, on va bien bosser sans faire de tâches, tâches, tâches. Oh ma jolie, tu veux faire quoi? Jolie, tu veux faire quoi? Karaté, tu veux faire ça? Karaté, tu veux faire ça? Ça, jolie, tu veux faire quoi? Ma jolie, tu veux faire quoi? Karaté, tu veux faire ça? Karaté, tu veux faire ça? Tu veux toucher les paquets, tu veux toucher les bras. Tu me dis ça c'est à moi. Hey, je sais pas. Faut mettre les bougies quand j'arrive. J'déboule tout de suite dans ta rue. Bébé, j'ai le cure Alcantara et un cardio de taré. Oh, oh, oh. Tu me dis que j'ai un cœur en pierre, mais tu veux quand même faire la paire. Tu réponds toujours quand je t'appelle, quand je te propose en tête à tête. On va se faire un boulot sérieux, on va bien bosser proprement. On va se faire un boulot sérieux, on va bien bosser sans faire des tâches, tâches, tâches, tâches. Oh ma jolie, tu veux faire quoi? Jolie, tu veux faire quoi? Karaté, tu veux faire ça? Karaté, tu veux faire ça? Ça, jolie, tu veux faire quoi? Ma jolie, tu veux faire quoi? Karaté, tu veux faire ça? Karaté, tu veux faire ça? Oh ma jolie, tu veux faire quoi? Jolie, tu veux faire quoi? Karaté, tu veux faire ça? Karaté, tu veux faire ça? Ça, jolie, tu veux faire quoi? Ma jolie, tu veux faire quoi? Karaté, tu veux faire ça? Karaté, tu veux faire ça? Ça.